11h-13h. Laurent Petit-Guillaume sur France Bleu. Femme de Paname. Bonjour Pia. Bonjour, bonjour. Bonjour Laurent. Alors Pia, vous êtes aujourd'hui une fois de plus avec une femme extraordinaire. Elle s'appelle Clémentine Bacry et avec son amoureux Adrien, elle vient de passer 2 ans à faire le tour du monde en ULM pour aider des scientifiques du monde entier à collecter des données depuis le ciel. Clémentine et Adrien ont par exemple cartographié des volcans actifs d'Indonésie, compté des baleines et même découvert de nouvelles lignes du fameux Nazca, vous savez, c'est au Pérou. Leur projet s'appelle des ailes pour la science et pour le rendre possible. Clémentine a dû passer son brevet de pilote d'avion. Clémentine, est-ce que vous pourriez nous raconter ce que vous avez fait juste après votre premier vol toute seule où vous avez piloté un avion ? Je me rappelle, c'est drôle, ça fait quelques années maintenant, mais c'est un moment que je crois que je n'oublierai jamais. Je remonte dans la voiture et je vais chez le coiffeur et je leur dis, donc j'étais très féminine avec les longs cheveux, etc., comme on peut imaginer. Et je suis allée chez le coiffeur, j'ai dit, vous me coupez tout. Et parce que je sais pas, j'étais devenue quelqu'un d'autre. Ouais, j'étais devenue différente et il fallait que ça se voie. Je le sentais à l'intérieur, je voulais que ça se sente à l'extérieur et donc j'ai tout coupé à la garçonne. Comme si c'était une renaissance. Est-ce que ça veut dire que pour être une femme qui est capable de voler dans un avion, qui est capable de grandes aventures, il faut être un garçon ? Bah, j'espère bien que non. J'en suis la preuve et on est nombreuses à en être la preuve. Oh, bah non, une nana peut tout faire. Il n'y a absolument rien qui nous arrête, heureusement. J'ai l'impression que de toute façon, vous, à l'origine, vous êtes quelqu'un qui pense que tout est possible. Oui, je pense que tout est possible, oui. Je pense qu'avec la détermination, si on n'a pas peur de se prendre des murs, si on n'a pas peur des gens qui nous refusent l'entrée et de trouver un autre moyen pour rentrer par nous-mêmes, oui, c'est possible, bien sûr. Quand vous regardez en arrière et que vous repensez à la Parisienne que vous êtes à l'origine, qui faisait du vélo hollandais dans le Marais, qu'est-ce qui préfigurait ce que vous êtes aujourd'hui, à l'époque, quand vous étiez sur votre vélo ? Alors, c'est très drôle parce que à peine arrivée à Paris, je redeviens cette petite Parisienne sur son petit vélo hollandais. C'est quelque chose que j'ai à la fois toujours été et en même temps, j'ai toujours eu envie de découvrir le monde, ce côté curieux, à vouloir rencontrer des gens, rencontrer des paysages, rencontrer des choses nouvelles, des nouveaux concepts, des nouvelles idées. J'ai toujours été très curieuse et donc du coup, la curiosité n'a pas de frontières. Finalement, Clémentine, quand vous êtes avec Adrien là-haut dans votre ULM, est-ce que l'humanité, ça vous manque pas un peu ? Est-ce qu'il y a de l'humain dans votre projet ? L'humain est au cœur du projet. Ça m'intéresserait pas du tout autrement. Oui, en fait, même dans le cockpit, d'abord on est 2, ensuite on est même plus 3, 4, 5, puisqu'on est en permanence avec la radio. Et puis dès qu'on n'est pas dans les airs, on est au sol. Et là au sol, on est entouré de plein de gens, que ça soit avec les pilotes lorsqu'on se pose sur une piste, que ça soit avec les scientifiques lorsqu'on est en expédition avec eux, que ça soit avec simplement les gens, les locaux avec lesquels on est en permanence en contact pour avancer dans la mission, pour découvrir aussi simplement parce qu'on est curieux. Oui, bien sûr, on est tout le temps entouré de gens. C'est ça qui fait la beauté du projet. Au départ, Clémentine, vous étiez juriste, et juriste pour une ONG qui s'occupe des droits de l'homme et des droits de l'environnement aussi. Pourquoi vous avez eu envie, en fait, de changer les choses ? Pourquoi vous avez cette envie d'être utile ? Ça vous vient d'où, ça ? C'est une bonne question. Je crois que ça a toujours été, en fait. La vie n'est pas très longue, et il y a plein de causes à défendre. J'ai toujours eu envie de m'impliquer, voilà, d'être impliquée localement. Je crois que j'ai l'impression d'exister quand j'ai l'impression que j'ai ma place, parce que ce que je fais a un sens. Voilà. J'ai, moi, l'impression que vous existez vraiment très très fort, Clémentine. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais j'en suis contente. Merci beaucoup. Merci, merci Pia, à vous. Merci et à toutes les deux. À bientôt. Retrouvez les aventures de Clémentine et Adrien sur le site www.wingsforscience.com et dans les deux récits passionnants écrits par Clémentine, Routard du ciel et Un tour du monde pas comme les autres aux éditions Le Pommier. Et si vous connaissez une petite fille qui a des rêves un peu fous, n'hésitez pas à l'envoyer vers Clémentine, elle se chargera de la convaincre que tout est possible.